Chapitre 33e. À Mequinez, lundi matin, 29 avril. En nous éveillant sous le ciel sombre, nous nous apercevons que nous étions campés dans un cimetière. Le cimetière des pauvres, probablement. Pas de pierres tombales, mais des bosses de gazon éparses autour de nous, les unes très anciennes, les autres encore fraîches. Et nous avons dormi sur ces morts. Pas plus de mouvement qu'hier, aux abords de cette ville. Sur la hauteur, là-bas, dans la grande ogive d'entrée qui s'ouvre au milieu des remparts, rien de vivant ne se montre, et le morne désert commence tout de suite au pied des longs murs. Vers 8 heures, cependant, apparaissent 3 ou 4 juifs, reconnaissables de loin, à leur robe noire. Sortis de cette porte, les voici qui descendent vers notre camp par les terrains grisâtres, exfoliés et semés de pierres. C'est pour nous offrir des bijoux, des broderies d'autrefois, qu'ils déballent par terre, sur l'herbe humide, parmi les piquets et les cordes de nos tentes. 9 heures. Un cavalier tout poussiéreux, qui semble avoir couru grand train, nous arrive de Fès. Il nous apporte ce que nous attendions pour pénétrer dans la Sainte Ville. Des lettres du sultan adressées au pacha et aux amines, nous donnant le droit de circuler et de visiter les jardins mystérieux d'Agdal. Alors nous faisons seller nos mules et, par l'espèce d'avenue grise, nous montons vers cette grande porte qui depuis hier attirait nos yeux. Passant enfin sous la haute ogive encadrée d'arabesques et de faïences, nous faisons notre entrée dans Mequinez. D'abord des fondrières, des ruines, d'autres remparts, d'autres enceintes, d'autres portes croulantes, démolies, images de la désolation et de la vétusté dernière. Quelques rares habitants, plaqués dans des recoins de murs et vêtus de bournous de la même couleur que les pierres, nous regardent entrer avec une expression de vague méfiance. Des rues plus larges, plus droites qu'à Fès, l'aspect d'une ville plus majestueuse mais plus délabrée encore et plus ensevelie. De grandes mosquées grises, des minarets immenses, dominent les places désertes, et sur toutes les terrasses, sur tous les murs lézardés, sur tous les couronnements de portes, poussent de hautes herbes et des fleurs sauvages, réséda et pâquerettes, en jardins touffus ou en guirlandes retombantes. Tout un parterre de fleurs blanches et jaunes recouvre l'ensemble de ces ruines. Par de petites ruelles voûtées qui descendent, nous nous faisons conduire chez le jeune pacha pour lui remettre la lettre du sultan, qui est le sésame, nous donnant accès dans cette ville. Aux abords de sa maison, les murs ne sont plus décrépits, mais recouverts de choux absolument immaculés, et les plantes sauvages ne garnissent plus les toits. Plusieurs graves personnages sont assis là sur des pierres, attendant une audience. Ils sont drapés tous dans ces blanches mousselines de laine que retiennent des cordelières de soie et qui voilent des robes de dessous en drap bleu ou rose. Le jeune pacha nous reçoit au seuil de sa porte. En murmurant une bénédiction pieuse, il baisse d'abord le sceau du sultan sur la lettre que nous lui présentons, puis il la lit et se met à nos ordres pour nous mener à ces jardins d'Agdal que lui seul a le droit de faire ouvrir. « Quand voulons-nous nous mettre en route ?» Nous répondons, « Tout de suite. » N'ayant pas de temps à perdre et, sur un signe, on court lui chercher son cheval. Presque aussitôt, on l'amène, au galop, tenu en main par 2 esclaves noirs, rétifs et superbes dans la petite rue étroite où ses coups de pied font voler la chaux des murs. Il est blanc, à longue queue traînante. La selle et la bride, en soie vert d'eau, sont brodées d'or. À la suite du jeune pacha, nous nous enfonçons dans la ville morte, dans les débris de Mequinez, qu'il nous faudra traverser dans toute sa longueur, le palin et les jardins du sultan étant très loin, du côté opposé. Les rares passants s'inclinent devant le jeune chef ou s'avancent pour baiser le bas de ses burnous. Toujours des enceintes nouvelles, de formidables remparts à créneaux, puis des espaces vides, des ruines dont le plan est incompréhensible. Murailles toutes sapées par la base, tenant debout on ne sait comment, mais gardant un air imposant quand même et farouche, avec leurs proportions excessives et leurs hauts bastions crénelés. Vers le centre, nous arrivons en face d'une muraille plus grande encore que toutes les autres, infiniment haute et longue, dont les bastions carrés s'alignent en perspective fuyante, imitant les 7 tours de Stamboul. Elle forme une autre ville dans la ville, plus murée, plus impénétrable. Nous sommes là sur une sorte d'esplanade, d'où l'on domine des lointains tranquillement tristes, des séries de murs lézardés, de minarets morts, de terrasses vides. Autour de nous, cependant, il y a un peu plus de monde, des gens encapuchonnés de burnous couleur de pierre, et un groupe de femmes juives non voilées, toutes pailletées d'or sur velours bleu et rouge, qui sont comme d'extraordinaires poupées éclatantes sur l'uniformité de ces gris neutres. Et à ce moment, du bout d'une rue déserte, nous voyons de loin arriver des cavaliers qui semblent fatigués d'une longue route et qui nous font des signes, nous crient de nous arrêter, accourent à nous. Ah, ce sont nos cadeaux, les cadeaux que le sultan nous envoie. Qu'Allah soit loué, nous n'y comptions certainement plus. Pour le gouverneur d'Algérie, il y a un beau cheval pommelé, que nous serons chargés de lui conduire, et pour nous, une énorme caisse clouée, la charge d'une mule. Nous renvoyons ces cavaliers à notre camp, en dehors des remparts, où nous retournerons tout à l'heure pour déballer ces choses précieuses. Mais on a fait cercle autour de nous. Le bruit de ces présents du souverain s'est répandu sur la place, et voici maintenant qu'on nous considère avec respect comme de grands chefs. Plus tard, dans très longtemps, dans l'avenir crépusculaire, quand je reverrai chez moi ces cadeaux du calife, qui sait si je m'en rappellerai jusqu'à la fin au milieu de quel décor étrange et lumineux ils me sont apparus un jour, sur cette place de Méguinèse, devant le palais désert de Moulay Ismail, le sultan cruel. Nous dirigeant vers les jardins d'Agdal, nous contournons toujours la funèbre muraille grise qui pointe là-haut ses créneaux aigus vers le ciel bleu. À présent, nous sommes sur une autre place, la plus grande et la plus centrale de Méguinèze, qu'entourent des minarets et de vieilles maisons sans fenêtres recouvertes de chaux blanches. Et ici, dans la monotone muraille que nous longeons depuis si longtemps, une merveilleuse porte de palais, toute brodée de mosaïques, s'ouvre comme une surprise, attestant que ce lieu, aux aspects effroyables de prison, a été le repère d'un sultan magnifique, raffiné comme un artiste dans son luxe rare. Et devant cette porte, au milieu d'un large rayon de soleil qui tombe et dessine à terre les dentelures noires des créneaux, s'agite un groupe de cavaliers invraisemblables, qui paraissent tout petits sur leurs chevaux à selles de velours, qui rient gaiement avec des voix enfantines, et dont les burnous, au lieu d'être blancs comme c'est l'usage pour les hommes, sont de toutes les nuances connues, les plus vives et les plus fraîches. C'est une troupe d'écoliers qui continue la fête d'hier. Ce sont des petits amines, des petits pachas en beaux costumes montés sur les selles de gala de leur père. C'est une joyeuse cavalcade d'enfants qui s'organise au milieu de ces ruines, admirables de couleurs dans ce rayon de soleil, sur le fond écrasant et sombre de ces murailles de palais. Et je crois que ce tableau inattendu, dépassant encore tous les autres, me restera dans les yeux comme le plus oriental que j'ai vu dans tout mon voyage au Maghreb. Oh, derrière eux, quelle étonnante et mystérieuse merveille que cette porte de palais, ouverte dans ces immenses remparts. Et comme ils sont charmants tous et bizarres, ces écoliers sur leurs chevaux. En voici un tout petit, qui peut avoir au plus 5 ou 6 ans. Il est en burnous d'un rose saumon, sur une selle de velours vert. Il monte un grand cheval qui hennit, qui se cabre, qui lui jette à la figure toute sa crinière blanche et bourriffée, et il n'a pas peur, il sourit, promenant ses beaux yeux de droite et de gauche pour voir si on le regarde. Quel délicieux petit être il est, et quel cavalier superbe il deviendra plus tard. Cette porte, qui fut celle du sultan Moulay Ismail le Cruel, contemporain de Louis XIV, est une gigantesque ogive, supportée par des piliers de marbre et encadrée de festons exquis. Toute la muraille d'alentour, jusqu'en haut, jusqu'aux crénelures du faîte, est revêtue de mosaïques de faïence, fines et compliquées comme des broderies précieuses. Les deux bastions carrés qui, de droite et de gauche, flanquent cette porte, sont aussi couverts de mosaïques semblables et reposent également sur des piliers de marbre. Des rosaces, des étoiles, des emmêlements sans fin de lignes brisées, des combinaisons géométriques inimaginables qui déroutent les yeux comme un jeu de casse-tête, mais qui témoignent toujours du goût le plus exercé et le plus original, ont été accumulés là, avec des myriades de petits morceaux de terre vernissée, tantôt en creux, tantôt en relief, de façon à donner de loin cette illusion d'une étoffe brochée et rebrochée, chatoyante, miroitante, sans prix, qu'on aurait tendue sur ces vieilles pierres pour rompre un peu l'ennui de si hauts remparts. Le jaune et le vert sont les nuances qui dominent dans ces bigarrures de toutes couleurs, mais les pluies, les siècles qui se sont succédés, les soleils qui ont recuit tout cela, se sont chargés de fondre ces teintes, de les harmoniser, de donner à l'ensemble une patine chaude et dorée. Des bandes sombres, comme de larges rubans de deuil tendus horizontalement, traversent et encadrent ces broderies vertes ou jaunes. Ce sont des inscriptions religieuses, caractères arabes enroulés, patiemment exécutés en mosaïque de faïence noire. Et le long de la bande supérieure, des crocs de fer, semblables à ceux que l'on voit aux étals des bouchers, sortent du mur pour recevoir, à l'occasion, des rangées de têtes humaines. Nous continuons notre route toujours vers ces jardins d'Agdal. Longeant encore l'interminable muraille, nous rencontrons d'autres portes à mosaïque, d'autres séries de bastions et de créneaux. De plus en plus, nous sommes dans les régions abandonnées, dans les ruines. D'autres places, immenses, désertes, entourées de remparts qui semblent des enceintes de villes détruites. Je ne sais combien encore de portes démantelées, d'ogives brisées, de murs croulants. Personne nulle part, que des cigognes perchées sur les ruines et regardant de haut la désolation d'alentour, un air d'abandon encore jamais vu ailleurs. Des espaces vides, semés de décombres, de pierres, creusés de trous profonds, de grottes, d'oubliettes. Des champs de blé quelquefois, entre de hauts murs imposants qui ont dû jadis enfermer des choses si cachées. Ça et là, au fond d'enclos où nous ne pénétrons pas, apparaissent, au-dessus de la monotonie des remparts crénelés, de grands toits en faïence verte, garnis de mousse et de fleurs sauvages. Palais des sultans passés, dont on a fermé les portes après la mort du maître. Un sultan nouveau ne devant jamais habiter le même lieu que son prédécesseur, et qu'on laisse lentement détruire par les siècles. Et surtout ce chaos de débris, que l'été chauffera bientôt de son soleil torride, c'est toujours et partout la même exubérante profusion d'herbes et de fleurs, de vrais parterres de pâquerettes, d'anémones, de pavots rouges, de pavots blancs, de pavots roses, d'immenses jardins naturels délicieusement tristes. Nous allons toujours, conduits par le jeune pacha, trottant derrière son cheval harnaché de vert et d'or. Nous ne savons plus si nous sommes dans la ville ou dans les champs. La limite des ruines est mal définie. Autour de nous, il y a encore de grands pans de murs inachevés et cependant près de tomber de vieillesse, caprices de différents souverains qui se sont succédés, puis qui ont disparu dans l'abîme éternel avant d'avoir pu finir leur œuvre commencée. De longues lignes de remparts crénelés s'en vont se perdre on ne sait où, parmi les halliers et les herbages, dans les lointains de la campagne déserte. Les jardins d'Agdal, quel lieu désolé, quel aspect de tristesse inattendue, même après ce que nos yeux se sont habitués à voir ici de funèbre. D'abord une porte déjetée et vermoulue, qui s'ouvre avec un air clandestin au bout d'un sentier d'herbe, dans de hauts remparts. À l'appel du pacha, un gardien à barbe blanche nous tire les verrous intérieurs et les referme derrière nous, quand nous sommes passés. Une première enceinte, espèce de préau de la mort, toujours entre des murs d'au moins 50 pieds de hauteur, puis une seconde porte verrouillée de fer, une seconde enceinte, une autre porte encore, et enfin les jardins nous apparaissent. Nous restons saisis devant la nudité immense, d'une espèce de prairie sans fin, à l'herbe rase semée de marguerites, où pestent à l'état sauvage des troupeaux de chevaux et de bœufs, où courent dans le lointain des bandes d'autruches, et où des ossements, des carcasses vides gisent sur la terre. De jardin, il n'y en a point, à peine quelques arbres là-bas, dans un vieil enclos formant verger. Autrement, rien qu'une prairie triste et murée, si étendue pourtant que sa muraille grise s'en va se perdre à l'horizon, semble n'être là-bas qu'une ligne entourant la plaine où ses troupeaux sont épars. La campagne au-delà, absolument solitaire, est verte sous un ciel sombre. On dirait quelques sites des pays du Nord, dans une contrée sans village et sans route, quelques parcs de manoirs dans une région abandonnée. Ces chevaux, ces bœufs, ces petites marguerites blanches dans l'herbe rappellent aussi nos climats. Et il y a même, çà et là, des flaques d'eau où chantent les plus ordinaires grenouilles. Ce qui surprend alors, ce qui est la seule note dissonante, exotiquée, c'est ce chef arabe à côté de nous et ses autruches, circulant comme chez elles, sur leurs longues jambes minces. Si le lieu est triste, au moins n'est-il pas banal, car sans doute bien peu d'Européens ont pénétré dans ces jardins du sultan. Nos mules marchent avec une certaine hésitation. Elles ont peur de ces carcasses mortes, couchées dans l'herbe. Ensuite, elles reculent devant une bande d'autruches qui s'approchent pour nous voir en tendant leurs longs coups chauves, puis qui se sauvent en se dandinant sur leurs hautes pattes. Nous avons la curiosité de savoir ce que sont devenues trois juments normandes, offertes par le gouvernement français à Moulay Hassan, il y a 4 ans environ, à l'occasion d'une précédente ambassade, et nous nous avançons pour les découvrir parmi tous ces chevaux qui sont là. Enfin, nous les reconnaissons, ces trois Normandes, groupées bien près les unes des autres, à l'écart de leurs semblables et faisant visiblement bande à part. Chacune d'elles a son petit poulain, fils d'étranger, et cela nous étonne de voir ces bêtes, au bout de 4 années, se rappeler encore leur origine commune, vivre ainsi ensemble, avec des airs de comprendre leur exil. Ensuite, nous longeons les murs d'enceinte pour visiter 3 ou 4 constructions anciennes qui y sont adossées, à de grandes distances les unes des autres. Ce sont des kiosques de jardin, entourés de quelques cyprès noirs. Ils ont des vérandas donnant sur l'Agdal et soutenus par de vieilles colonnades charmantes, abandonnées, peut-être depuis des siècles. Ils sont d'une tristesse funèbre, sous les couches de chaux amoncelées qui effacent leurs arabesques. Les portes en sont verrouillées, condamnées, ou même murées de pierre. Sans doute des sultanes, des belles cloîtrées et invisibles, sont souvent venues jadis s'asseoir devant ces kiosques, sous ces colonnes, pour se donner des illusions de liberté en contemplant les lointains de ces prairies de marguerite. Et de mystérieux drames d'amour ont dû se passer là, qui ne seront jamais écrits. Au sortir des jardins d'Agdal, le jeune pacha nous ramène par d'autres chemins, à travers des dépendances intérieures du palais, toujours entre les gigantesques murailles crénelées, d'une hauteur excessive, qui donne à tout ce lieu son caractère d'impénétrabilité farouche. Les cours, les avenues, les places sont toujours vides et mortes. La couleur d'ensemble de tous ces remparts, de toutes ces ruines, est le jaune terreux marbré de brun rouge. La chaux employée mécanisée est généralement mélangée d'ocre, et puis surtout, les années, les pluies, les soleils, les lichens ont rendu à tout cela les teintes primitives des rochers et du sol. Ces dépendances du palais sont immenses. Dans des bas-fonds où coulent des ruisseaux, nous traversons des vergers incultes, qui sont des fouillis délicieux d'orangers, de grenadiers, de figuiers et de saules. Les belles sultanes captives ont de quoi s'égarer sous la verdure et peuvent se faire des illusions de bois sauvage. Dans toutes les crevasses des remparts poussent des cactus nopales, grands comme des arbres, qui étalent au soleil leurs fleurs jaunes et leurs feuilles rigides, semblables à des raquettes bleuâtres. Et des quantités de cigognes, immobiles sur une patte au faîte des créneaux, nous regardent de haut passé. Le jeune pacha nous mène voir une pièce d'eau artificielle, destinée au bain des dames du harem, et sur laquelle le sultan compte faire naviguer le canot électrique que nous lui avons offert. C'est un lac carré, de 300 ou 400 mètres de long. Sur 3 de ses côtés, il est entouré d'une sinistre muraille crénelée de 60 pieds de haut, qui se reflète et se renverse dans l'eau immobile, donnant une fausse impression de profondeur. La 4e face communique par un quai dallé de pierre avec la grande esplanade vide qui mène au palais. C'est là que nous nous promenons, absolument seuls toujours, nos yeux embrassant de tous côtés des séries de formidables remparts qui se superposent, se croisent, se dédoublent et nous enferment. Au-dessus de ces vieux murs lézardés, que chauffe à présent le soleil de midi, apparaissent de nouveau les toits couverts d'herbage des palais des anciens sultans, qui abritent peut-être encore de merveilleux débris jamais vus. Et au-delà, un fouillis plus lointain de terrasses, de mosquées, de minarets, de murs lézardés et croulants, toute la désolation solennelle de Mekinez étagée sur le ciel morne. Une musique de cigale sort des vieilles pierres, et toute la surface du lac muré est piquée de petits points noirs, qui sont des têtes de grenouilles chantant à pleine voix dans le silence des ruines. Une seule construction neuve émerge là-bas, au-dessus des vieux murs. C'est le palais du sultan actuel, blanc comme neige, avec un toit de faïence verte et des auvents bleus. Le sultan ne passe guère là qu'un mois chaque année, obligé de résider davantage à Fès et à Maroc, ses 2 autres capitales. Mais ce palais est habité en ce moment par un détachement de dames du harem qui ont quitté Fès la semaine dernière et qui, bien entendu, ont été soigneusement séquestrés derrière plusieurs murs avant notre arrivée dans les jardins. Au moment où nous nous éloignons pour partir, un groupe de lavandières noires, ayant de grands anneaux d'argent dans les oreilles, sortent du palais avec des paquets de linge sur la tête. Les chemises des belles dames invisibles, qu'elles se mettent à laver nonchalamment dans le lac, en chantant des chansons de leur pays. Je ne sais combien d'enceintes il nous fait franchir pour nous en aller. Combien de portes? ni combien de détours il nous faut faire entre d'énormes remparts calcinés de soleil où poussent des cactus. Il se trouve que nous allons précisément sortir par la merveilleuse porte en mosaïque de Moulay Ismaïl, admirée ce matin. Nous passons sous son ogive, dans son ombre, entre ses piliers de marbre, et nous voici dehors, au grand soleil, sur la place centrale de la ville. Des groupes d'Arabes, qui sont là, apercevant leur pacha entre nous deux, s'avancent et s'inclinent profondément, presque prosternés. Jadis, les petites sorties du matin de Moulay Ismaïl, sans apparat, devaient être quelque chose de ce genre. Sur cette place, nous remercions le pacha et lui disons adieu, pour nous diriger vers la ville des Juifs, faire la visite promise à notre ami d'hier au soir. Cela nous changera de toutes ces grandeurs mortes. Pour arriver à cette ville des Juifs, il faut traverser des quartiers plus habités. D'abord, celui des marchands de bijoux, où des deux côtés de la rue, dans des petites échoppes en forme de boîte, de bizarres étalages d'argent et de corail brillent sur de vieux dressoirs en bois grossier. Et puis, une rue très particulière, longue, droite et large comme un boulevard, bordée de maisonnettes sans toit, pareilles à des cubes de pierre. Elle monte vers une colline au sommet de laquelle le tombeau d'un saint découpe sur le bleu cru du ciel sa coupole peinte, flanquée de deux hauts palmiers minces. À l'extrémité de cette rue s'ouvre la porte des Juifs, et aussitôt cette porte franchie, tout change d'aspect brusquement, comme si on était là dans un autre pays où, sans transition, on aurait été jeté. Au lieu de l'immobilité et du silence, un grouillement compact. Au lieu des hommes bruns, qui marchaient lents et majestueux, drapés dans des laines blanches, ici, des hommes pâles ou rosés, en longues papillotes et coiffés de calottes noires, qui vont tête basse, étriqués dans des robes sombres. Des femmes non voilées, qui sont très blanches et ont des sourcils minces. Une quantité de jeunes éliassins, frais et roses, efféminés, à l'expression rusée et craintive. Une population trop dense, qui étouffe dans ce quartier étroit, en dehors duquel le sultan ne lui permet pas de vivre. Des ruelles encombrées de marchands et par terre toutes sortes de débris, d'épluchures, d'immondices. À cause du tassement, une malpropreté qui étonne, même après celle des rues arabes, et des puanteurs sans nom, à la fois âcres et fades, vous prenant à la gorge. Voici notre ami d'hier au soir qui vient à notre rencontre, averti sans doute par la rumeur de la foule saluant notre arrivée. Il a toujours sa jolie figure douce, mais vraiment, pour un millionnaire, il est bien mal mis. Une robe fanée, unie, incolore, quelconque. C'est l'usage, paraît-il, pour ces juifs riches, d'affecter dans la rue ces airs simples. La porte de sa maison est bien modeste aussi, toute petite, toute basse, au bord d'un ruisseau plein d'ordures. Mais au-dedans, nous nous arrêtons saisis devant un luxe étrange, devant un groupe de femmes, couvertes d'or et de pierreries, qui nous accueillent souriantes au milieu d'un décor des mille et une nuits. Nous sommes dans une cour intérieure, à ciel ouvert, avec tout alentour une colonnade et des arcades dentelées. Des mosaïques miroitantes recouvrent le sol et les murs jusqu'à hauteur d'homme. Au-dessus, commencent les arabesques variées à l'infini, les étonnantes dentelles de pierre, rehaussées de bleu, de vert, de rouge et d'or. Les artistes patients qui ont décoré cette maison sont les descendants de ceux qui sculptaient les palais de Grenade, et ils n'ont rien changé, depuis tant de siècles, aux traditions d'art que leur père leur avait léguées, ces mêmes broderies de fées, qu'on admire à l'Alhambra sous une couche de poussière, apparaissent ici dans tout l'éclat de leur fraîcheur neuve. Les femmes qui sont dans cette cour, éblouissantes sous un rayon de soleil, ont des jupes de velours brodées d'or, des chemises de soie lamées d'or, des corsages ouverts presque entièrement dorés. Aux bras, aux oreilles, aux chevilles, elles portent de lourds anneaux ornés de pierreries, et leurs bonnets très pointus, leurs espèces de petits casques, sont formés avec des soies de couleurs éclatantes brochées d'or. Elles sont pâles, blanches comme de la cire, avec des yeux noirs très cernés, et leurs bandeaux, à la juive, noirs aussi comme des plumes de corbeau, descendent tout plat le long de leurs joues. La maîtresse de la maison est la seule personne dans ce groupe qui ne soit pas absolument jeune. Les autres, qu'on nous présente comme des dames et qui doivent être mariées en effet, en juger par le luxe de leurs vêtements, sont des enfants qui peuvent avoir en moyenne une dizaine d'années. Chez les juifs de Fès et de Mekinès, C'est l'usage de marier les filles à 10 ans et les garçons à 14. Toutes ces petites fées nous tendent la main, avec de gentils sourires. L'accueil de la maîtresse de la maison est cordial et même distingué. Elle est la plus somptueuse de toutes. Sa jupe de velours cramoisi, son corsage de velours bleu de ciel, disparaissent sous des dorures en relief, et dans les anneaux de ses oreilles sont enfilées des perles fines et des émeraudes grosses comme des noisettes. Nous n'étions jamais entrés dans une grande maison juive, et toute cette richesse inattendue et inconnue nous semble un rêve, après la misère sordide et l'épuanteur de la rue. Nous refusons de déjeuner malgré les instances de nos hôtes, mais on a l'air si heureux de nous recevoir que pour ne pas faire de peine, nous acceptons une tasse de thé. C'est au premier étage que ce thé va nous être servi. Montons par un étroit escalier de mosaïque aux marches très raides, suivi de toutes les petites femmes en costume d'idole. Traversons une galerie supérieure festonnée, ajourée, dorée, et entrons dans un salon décoré en style d'Alhambra pour nous asseoir par terre sur des coussins de velours et de merveilleux tapis. Par terre également, notre thé aux aromates fume dans des théières et des samovars en argent d'une grande richesse. Les fenêtres de ce salon sont des petits trèfles ou des petites rosaces découpées avec une excessive recherche de forme. Sur les murs, toujours ces mêmes mosaïques, ces mêmes dentelles de sculptures dont les Arabes ont l'inimitable secret. Quant au plafond, c'est une série de petites coupoles, de petits dômes étoilés pour lesquels il semble qu'on ait épuisé les combinaisons géométriques les plus rares et les plus difficiles, et aussi les mélanges les plus extraordinaires de couleurs. Par les fines découpures des fenêtres garnies de vitraux colorés, entrent des rayons bleus, des rayons jaunes, des rayons rouges, qui tombent au hasard sur les soieries, sur les ors, sur les costumes éclatants des femmes. Et au milieu de nous, dans un réchaud d'argent, brûle le bois précieux des Indes, qui répand son nuage de fumée odorante. Après les 3 tasses de thé de rigueur, après les cornes de gazelle, les confitures de pastèque et les petits bonbons de toutes sortes, nous voulons décidément prendre congé, partir. Mais notre hôtesse renouvelle son invitation à déjeuner avec une telle insistance de prière que, de guerre lasse, nous disons oui. Alors une expression de vrai plaisir apparaît sur sa figure et les toutes petites dames mariées font chacune un saut de joie. Avant de nous mettre à table, il faut visiter le logis dont notre hôte semble très justement fier. D'abord les terrasses, autrement dit les toits, qui sont le promenoir habituel de la famille. On ose à peine y marcher, tant la couche de chaux qui les recouvre est immaculée et neigeuse. Ils sont divisés en différentes parties, d'où l'on découvre différents aspects de la désolation grandiose d'alentour. Et il y a de tels enchevêtrements dans cette ville, où depuis tant de siècles, les constructions se sont appuyées et entassées sur des ruines, qu'une partie de ces terrasses si blanches s'enfonce sous la formidable ogive sombre d'une forteresse croulante, construite là jadis par Moulay Ismail, le sultan cruel. De ces hauts promenoirs, on domine d'abord la ville juive, avec ses maisons sans air, serrées, tassées les unes sur les autres, comme par une compression, et d'où montent d'écœurantes odeurs. Plus loin, les restes de Mékinèse, tout le développement incompréhensible des grandes murailles de forteresses ou de palais auxquels, par contraste, l'espace, l'étendue, ont été donnés comme à plaisir. Et au milieu de la plus farouche et de la plus haute de ces enceintes, la porte merveilleuse par laquelle nous sommes sortis tout à l'heure des sérails, la grande ogive brodée de mosaïques qui était l'entrée d'honneur du glorieux sultan. Puis enfin, par échappée, au-delà de tant de remparts et de ruines, des coins de cette campagne sauvage où les brigands font la loi. Il est arrivé, nous conte notre hôte, à certaines époques où le sultan et son armée étaient en expédition lointaine dans le sud, il est arrivé qu'on s'est vu obligé de fermer en plein jour les portes de Mékinèse, tant les pillards et mours devenaient hardis et dangereux. Toute la famille israélite est montée avec nous, à la file, par le petit escalier raide et étroit, afin de nous faire les honneurs de ce lieu de plein air. Les costumes de velours et d'or des femmes tranchent sur l'éclatante blancheur des terrasses. Les petites dames mariées sont toutes là. Il y a surtout 2 petites belles-sœurs de 10 ans qui se tiennent enlacées, et qui sont bien charmantes et étranges, avec leurs yeux trop agrandis, trop cernés, qui ne semblent déjà plus des yeux d'enfant. Leurs magnifiques bracelets de poignets et de chevilles, qui sont des cadeaux de noces et qui doivent leur servir plus tard lorsqu'elles seront grandes, trop larges à présent pour leurs membres délicats, ont été attachées avec des rubans. Et chez elles toutes, jeunes ou non, ce que l'on voit de cheveux, sous le petit casque en gaze d'or, est imité avec de la soie. Deux bandeaux de soie noire, bien peignés, bien raides, enquins dans leurs joues d'une blancheur de cire, et deux petits accroche-cœurs, également en soie noire, s'ébouriffent en pinceau au-dessus de leurs oreilles fines. Quant à leur vraie chevelure, elle est cachée, je ne sais où, invisible. En promenant mes yeux tout autour de ces terrasses, sur l'horizon mélancolique en face duquel ces femmes naissent et meurent, j'ai un instant la compréhension et l'effroi de ce que peut être la vie de ces Israélites, astreints craintivement aux observances de la loi de Moïse, et murés dans leur quartier étroit, au milieu de cette ville momifiée, séparée du monde entier. Une des gloires de la maison est son jardin, un jardin qui nous fait sourire. Il a bien 5 ou 6 mètres carrés, entre deux grands murs où sont peintes des charmilles. De petits orangers y poussent étiolés. Mais vu l'extrême rareté de l'espace, il faut être tout à fait riche pour posséder un jardin dans ce quartier. Le sultan actuel, nous dit notre hôte, est très doux pour les Juifs. Il a promis, à son prochain séjour à Mékinèse, de leur faire bâtir une nouvelle ville. Alors ils espèrent bientôt s'agrandir et respirer mieux. Toute la maison est du reste aménagée et décorée dans le goût arabe le plus recherché, et on pourrait se croire chez quelque élégant vizir si les proportions n'étaient pas si petites, et surtout si on ne voyait dans chaque appartement encadré sous verre les tables de la loi ou des inscriptions hébraïques ou la sombre figure de Moïse ou quelque autre indice de cette obscurité particulière qui n'est pas l'obscurité musulmane. Notre déjeuner est prêt. C'est au rez-de-chaussée, dans une salle qui donne sur la belle cour, tout en dentelle de pierre rehaussée d'or. Les murs intérieurs sont décorés de mosaïques d'une rare finesse, représentant des séries d'arcades mauresques au milieu desquelles des rosaces se compliquent bizarrement comme des dessins de kaléidoscope. Quant au plafond, il est composé de ces innombrables petits pendentifs emboîtés les uns dans les autres que je ne puis comparer qu'à ces cristallisations de givre accrochées aux branches des arbres en hiver. La table est, par galanterie, servie à l'européenne sur une nappe blanche. La porcelaine est française, de Limoges, style empire, avec filet doré. À la suite de quelles odyssées ces choses sont-elles venues s'échouer à Mékinèse? On fait venir 4 musiciens, 2 chanteurs, un violon et un tambour, qui s'installent par terre, contre nos jambes, pour nous jouer sans arrêt des choses rapides, stridentes et lugubres. Notre hôtesse, malgré ses perles et ses émeraudes, désire surveiller elle-même la cuisine et nous apporter nos plats. Ce qu'elle fait du reste avec une bonne grâce parfaite et une originale distinction. Une 20aine de mets différents se succèdent à la file, arrosés de 2 ou 3 qualités de vieux petits vins roses tout à fait bons, que les Israélites récoltent sur les coteaux alentour de Mékinèse, au grand scandale des musulmans. Et tandis que la musique fait rage par terre, tandis que la fumée du bois indien que l'on brûle devant nous voile notre déjeuner d'un odorant nuage bleu, nous voyons, au milieu de la belle cour tout en lumière, la famille groupée dans ses costumes chamarrés d'or et toujours les 2 petites belles-sœurs qui passent et repassent, enlacées, leurs espiègleries enfantines contrastant avec leurs lourds bijoux et leurs vêtements de grande dame. L'heure venue de nous en aller, nous ne savons quel remerciement faire à ces aimables gens, que nous ne reverrons jamais nulle part, et auxquels nous aimerions pourtant offrir à notre tour l'hospitalité, si, par impossible, ils venaient dans notre pays. Quand nous ressortons pour reprendre nos mules dans la rue sordide, nous trouvons un attroupement considérable qui s'est formé là-bas dans l'attente curieuse de nous voir. Tout le quartier est dehors, et nous marchons à travers une foule compacte jusqu'au moment où, la porte des Juifs franchie, nous retombons dans les solitudes de la ville arabe. L'accablant soleil de 2 heures tombe sur les tranquillités des ruines, où des milliers de cigales chantent. Nous sortons des enceintes et des grands remparts pour redescendre vers notre camp. Là, nous attendent les cavaliers qui sont venus de Fès nous apporter nos cadeaux. Avant de les congédier, nous voulons vérifier le contenu de nos caisses, de peur qu'elles n'aient été pillées pendant la nuit de voyage. Et à l'annonce de ce déballage, nos muletiers font cercle, bien prêts, avec des yeux avides de voir. Les gens d'une petite caravane qui est venue camper près de nous en notre absence s'approchent aussi, très alléchés par ce spectacle, et nous avons bientôt une trentaine d'Arabes, suspects d'allure et drapés en majestueuses guenilles, qui se pressent autour de nous, dans l'isolement de ce cimetière, muets d'impatience, à l'idée d'admirer les présents du calife. Ouvrons une première caisse. C'est la selle de velours vert, très somptueusement brodée d'or, que nous sommes chargés de faire parvenir au gouverneur de l'Algérie, en même temps que son cheval pommelé. Des murmures d'admiration passionnée accueillent son apparition au soleil. Déballons maintenant la boîte infiniment longue qui doit contenir nos cadeaux personnels. Pour chacun de nous, un fusil du Sousse dans son étui rouge, un fusil ancien, de 5 pieds de long, entièrement revêtu d'argent. Pour chacun de nous aussi, un grand sabre de pacha marocain, dans un fourreau niellé, avec bretelles de soie et d'or, poignée en corne de rhinocéros, lame et garde damasquinée d'or. Cela brille, sous la chaude lumière du ciel, et les exclamations les plus exaltées partent de notre entourage. Dans son enthousiasme pour le calife qui peut faire d'aussi désirables cadeaux, un chamelier va jusqu'à s'écrier « Qu'Allah rende victorieux notre sultan Moulay Hassan, qu'Allah protège ses jours, même aux dépens de ma propre vie. » Alors nous nous trouvons imprudents d'avoir éveillé autour de nous de telles convoitises. Nous remontons vers la ville sainte, assis sur nos mules et précédés de notre vieux caïd responsable. Cette fois, c'est pour nous promener à l'aventure et à la recherche des tapis, des armes, jusqu'au coucher du soleil. Le bazar, beaucoup plus petit, plus obscur, plus triste que celui de Fès, est complètement vide quand nous arrivons. Le long des murs, tous les petits couvercles des niches à marchands sont rabattus et fermés. On nous explique que tout le monde est à la mosquée. Dans un moment, on va revenir. Nous n'avions pas songé en effet qu'il est 3h30, l'heure de la 4e prière du jour. Peu à peu, l'un après l'autre, les marchands reviennent, à pas lents, drapés dans leur transparente mousseline et tout blancs dans la pénombre des petites ruelles voûtées. Absorbés dans leurs rêves, insouciants ou dédaigneux de notre présence, ils ouvrent leurs niches, en relèvent les couvercles et montent s'asseoir dedans, le chapelet à la main, sans nous regarder. Cependant, nous sommes les seuls acheteurs, et on est tenté de se demander à quoi bon un bazar dans cette nécropole. On y vend des burnous, des costumes, des cuirs ouvragés, beaucoup d'étriers niellés d'argent ou d'or, et de ces couvertures aux dessins sauvages, tissées dans le sud par les femmes des tribus le soir à la porte des tentes, chez les Ben Menguil ou les Touareg. Nous errons longtemps au milieu des quartiers déserts et funèbres. Nous passons, toujours dans l'obscurité des rues couvertes, devant plusieurs mosquées immenses, où nos regards jetés à la dérobée entrevoient des enfilades mystérieuses d'arceaux et de colonnes. Puis nous arrivons au quartier, un peu moins mort, des marchands de bijoux. Oh, les étranges vieux bijoux que l'on vend à Mekinez! À quelles époques ont-ils bien pu être neufs? Pas un qui n'ait un air d'antiquité extrême, de vieux anneaux de poignets ou de chevilles, polis par des frottements séculaires sur la peau humaine, de larges agrafes pour attacher les voiles, de vieux petits flacons d'argent à pendeloques de corail pour contenir du noir à peindre les yeux, avec des crochets pour les attacher à la ceinture, des boîtes pour Coran, toutes gravées d'arabesques et portant le sceau de Salomon, de vieux colliers de sequins usés sur des coups de femmes mortes, et une quantité de ces larges trèfles en argent repoussé en chassant une pierre verte que l'on s'attache sur la poitrine pour conjurer le mauvais œil. Dans les niches des vieux murs, devant les vendeurs accroupis, ces choses sont étalées sur des petits dressoirs en bois crassi et vermoulu. C'est près du quartier des Juifs. Plusieurs d'entre eux, nous devinant là, arrivent, nous entourent, pour nous offrir aussi des bijoux, des bracelets, de vieilles bagues extraordinaires, ou des boucles d'oreilles à émeraude, toutes choses qu'ils tirent des poches de leur robe noire avec des airs de cacheterie, après avoir jeté autour d'eux des regards méfiants. Viennent aussi des marchands de tapis de Rabat, tapis en haute laine qu'on étale par terre, sur la poussière, sur les détritus et sur les ossements, pour nous en montrer les dessins rares et les belles couleurs. Le soleil est déjà bas. Il commence à jeter ses rayons en longues bandes d'or sur les ruines. Alors nous concluons nos marchés péniblement discutés pour quitter la Sainte Ville où nous ne reviendrons plus jamais et nous diriger vers nos tentes. Avant de franchir la dernière muraille d'enceinte, nous nous arrêtons dans une sorte de petit bazar que nous ne connaissions pas encore. c'est celui des marchands de bric-à-brac. Et Dieu sait ce que les boutiques de ce genre à Mequinez peuvent receler de bizarres vieilleries. Ces brocantages se passent près d'une porte donnant sur le désert de la campagne, au pied des hauts et farouches remparts et à l'ombre de quelques mûriers centenaires qui ont en ce moment leurs jeunes feuilles tendres d'avril. Ce sont surtout de vieilles armes que l'on trouve ici, yatagans rouillés, longs fusils du Sousse, puis de vieilles amulettes de cuir pour la chasse ou la guerre, des poires à poudre saugrenues, et aussi des instruments de musique, guitare à peau de serpent, musette ou tambourin. Par analogie sans doute avec ces débris qu'ils vendent, les marchands sont presque tous des vieillards caducs, effondrés, finis. Des mendiants, qui ont élu demeure dans des trous de pierre à cette entrée de ville, assistent à nos marchés. Un manchot couvert de plaies, un cul-de-jac galeux, et plusieurs de ces gens qui ont pour regard de trous saignants où s'assemblaient les mouches, et qui sont d'anciens voleurs auxquels, de par la loi, on a enlevé les yeux avec la pointe d'un fer rougi. On est sans doute très pauvre dans ce bazar. On a grand besoin de vendre, car on s'occupe de nous, on nous entoure. Nous faisons à vil prix plusieurs acquisitions étonnantes. À l'heure jaune et subitement refroidie du coucher du soleil, nous sommes encore là, près de cette porte désolée et sous les branchages de ces vieux arbres, cernés par une cinquantaine de figures sauvages, en haillons, berbères, arabes ou soudaniens. On sait en ville que nous devons partir demain matin à la pointe du jour. Aussi, dès que nous sommes revenus sous nos tentes, des juifs descendent vers notre camp pour nous offrir encore des plumes, des œufs d'autruche et d'autres bijoux d'argent, d'autres tabis de rabat. Tant que dure une lueur de crépuscule, ils étalent obstinément ces choses devant nous, sur l'herbe des tombes. Le jeune pacha vient ensuite à cheval nous faire ses adieux. Puis nos gardes de nuit arrivent et enfin, aux lanternes, le cortège de notre pompeuse Mouna. Alors, commence pour nos gens la grande orgie nocturne de poulets, de moutons et de couscous.